Aujourd'hui, il y a deber. Deber qui veut dire devoir. Et comme en français, il y a plusieurs sens. Devoir dans le sens de devoir faire quelque chose, d'être obligé, ou devoir dans le sens de devoir de l'argent. Pensez au mot débit ou débiteur, celui qui doit de l'argent. Donc, en espagnol, devoir, c'est deber. Mais ça s'écrit avec un B ou un V? Avec un B. D'accord. D-E-B-E-R. Comme d'ailleurs les mots débit et débiteur. Alors, je dois sortir un moment. Avec le verbe deber, je dois... Debe. Ça c'est vous, usted devez, ou il ou elle doit. Debe... Voyons, comment dit-on « je parle » ? Hablo. Hablo, d'accord. Comment dit-on « je comprends » ? Comprendo. Comprendo. Ou, au lieu de comprendo, vous pouvez aussi dire « en... » Entendo. Entendo. Insistez bien sur le « et » de la syllabe accentuée. Entiendo. Entiendo. Le « et », comme il est accentué, cède sous la pression et se scinde pour devenir « yé ». Et « je mange » se dit « como ». « Como », bien sûr. Alors, « je dois », à partir du verbe « deber ».« Debo ».« Debo ». Alors, « je dois le faire maintenant ». Debo hacerlo ahora. D'accord. Debo hacerlo ahora. Debo hacerlo ahora. Et vous, usted, devez le faire. Debe... Bien. Hacerlo. Hacerlo. D'accord. Debe hacerlo. Debe hacerlo. Et bien sûr, au lieu de debo et debe, vous pouvez utiliser l'autre verbe devoir, que vous connaissez déjà, qui est Tengo que... Tener que. Tener que. Donc, on a tener que et deber, qui, tous les deux, se traduisent par devoir en français. Mais il y a une nuance entre les deux en espagnol. On va employer deber s'il s'agit d'un devoir qu'on a envers soi-même. C'est-à-dire pour indiquer qu'il serait bon de faire telle ou telle chose. Par contre, on va employer « tener que » pour exprimer une obligation à laquelle on ne peut pas échapper. Ça se rapproche plus d'un ordre ou d'une nécessité. Par exemple, si quelqu'un vous dit « vous devez prendre un peu de repos », il utilisera « deber ». C'est un conseil. Mais si c'est votre médecin qui vous le dit, alors, il va utiliser « tener que ». Il vous demande insistamment, il vous prescrit le repos. Vous comprenez la différence ? Oui, oui. Alors, dites-moi, je dois sortir un moment. Il faut que je sorte un moment. On vient de m'appeler, il y a une urgence. Tengo salir. Je dois, il faut que je, ça c'est « tengo ». Que tengo que salir. Oui. Alors, encore une fois, je dois sortir un moment. Un momento. Tengo que salir un momento. Bien. Tengo que salir un momento. Et debo, c'est l'autre manière de dire je dois. Si vous voulez payer quelque chose et vous voulez demander combien ça coûte, vous pouvez dire cuánto es. C'est combien. Ou combien je vous dois ? Qui se dira ? Avec deber ? Oui. Ok. Cuánto le debo ? Cuánto le debo ? Cuánto le debo ? D'accord. Alors, si vous voulez dire « je devrais le faire hein, » au futur, vous pouvez dire soit « tendré ». C'est ça. « Tendré que ». « Tendré que hacerlo ». Encore une fois. Tendré que hacerlo. D'accord. Tendré que hacerlo. Hein? Ça, c'est s'il s'agit d'une obligation que vous avez, hein, à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Tandis que, si ce que vous voulez dire, c'est « je vais devoir le faire même si on ne m'y oblige pas, hein, il faudra bien que je le fasse hein, », dans ce cas, vous employez « deber ». Et donc, « je devrais le faire au futur avec « deber ». Deberé. Bien. Deberé a farlo. Hein? Deberé a farlo. Et je devrais le faire au conditionnel. Tendría que hacerlo. D'accord. Tendría que hacerlo. Ou. Debería hacerlo. Debería hacerlo. Hein? Debería. Alors, comment dit-on? Tu devrais me le dire. Deberías decir, decírmelo. C'est ça. Deberías decírmelo. Hein? Deberías decírmelo. Tu devrais me le dire.